Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bienvenue à vous, très chers auditeurs. Vous suivez l'émission Méditons ensemble pour les jeunes. Je suis Alexis Plignon-Bracois au microphone et à la mise en onde, nous avons tonton Emmanuel Yao. Pour cet après-midi, nous sommes avec nos amis de l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé. Nous avons été avec eux durant tout ce mois de février. Nous sommes au dernier mercredi de février et nous sommes encore avec eux pour boucler les émissions de février concernant la méditation pour les jeunes. Ils vont se présenter pour que vous vous familiarisez avec leur voix. Je commence par celui de ma droite. Shalom, shalom. Je suis le frère Baoré Bi Emeaude Martial, membre des Témoins et Conseillers et également de l'AMATI. Salut, moi, c'est le frère Jamala Kofi Roslin, membre des Témoins et Conseillers. Shalom, moi c'est le frère Ago Konan, bienvenue, membre des Témoins et Conseillers. Bienvenue à vous, merci d'avoir répondu présent durant tout ce mois de février. Nous profitons pour remercier les dirigeants de l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé, le pasteur principal de l'église de la référence, le pasteur Yahi Evert. Et nous remercions aussi ses collègues, nous remercions les membres du conseil et toute la jeunesse de la référence qui vous ont permis de pouvoir venir faire l'émission avec nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la jeunesse de la référence. Nous allons passer à la méditation de notre test, le test que nous propose le Rendez-vous avec Dieu édition 2020 pour ce jour est celui du psaume 119, les versets 41 à 48. Vous pouvez trouver vos lecteurs de la Bible dans les différentes librairies et aussi à la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue aussi pour la lecture de la Bible a fait des lecteurs en application que vous pouvez trouver sur les différents sites de téléchargement. Nous allons passer à la prière et par la suite faire la lecture de notre texte. Nous passons à la prière avec Roselyne. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Nous te prions de bénir l'entendement de notre cœur et que, en travers la méditation de ta parole, tu fasses du bien, Seigneur, aux différents auditeurs. Gloire et l'honneur reviennent à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la lecture de notre test qui se trouve dans le livre de Psaumes, le chapitre 119, les versets 41 à 48. Nous faisons la lecture avec Martial. Psaume 119, verset 41. L'Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Verset 44, je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. Je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Enfin, verset 48, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Amen. Amen. Nous venons de faire la lecture de notre texte qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 119, les versets 41 à 48. Nous allons passer à la présentation du livre des psaumes et de l'auteur de ce psaume. Bienvenue. Les psaumes sont une collection de 150 poèmes divisés en 5 grandes parties et chants spirituels. Joie, larme, cri, espérance ou louange anime ses prières profondes et vraies. En hébreu, ce recueil est composé en vers et décrit des situations concrètes dans lesquelles les auteurs remercient Dieu, l'implorent ou s'émerveillent devant ses œuvres. Certains psaumes sont prophétiques et annoncent des événements à venir, comme par exemple la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce livre a été rédigé par plusieurs auteurs, à savoir le roi David, qui est l'auteur principal, Asaph, fils de Coré, le roi Salomon, Moïse étant. Le psaume que nous étudions a été écrit par David. Il avait pour père Esaïe de Bethléem. Il est le cadet de 8 frères, musicien et berger de fonction. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Merci pour la présentation du livre des psaumes et de David, qui est l'auteur de ce psaume. Nous allons passer à l'idée générale. De quoi parle ce psaume? Oui, Roselyne. Le psaume 119 nous parle de la loi de l'Éternel est parfaite, les merveilles de la loi de Dieu. Les merveilles de la loi de Dieu. Je rappelle que nous méditons les versets 41 à 48 du psaume 119. Et il est question ici de la loi de Dieu qui est parfaite pour nous. Est-ce que vous avez un découpage à proposer pour comprendre ces 8 versets, 8 Martial? Oui, effectivement, nous avons 3 découpages. Mm-hmm. Au verset 41, le psalmiste implore la miséricorde du Seigneur. Mm-hmm. Ensuite, nous avons le verset 42 jusqu'au verset 43. Le psalmiste se confie en la parole de l'Éternel. Et enfin, le dernier découpage, 44 au verset 48. Le désir du psalmiste est de pratiquer les ordonnances du Seigneur. D'accord, nous allons aborder la première partie qui concerne que le verset 41 et qui a pour titre « Le psalmiste implore la grâce et la miséricorde du Seigneur ». Oui, bienvenue. Oui, nous le voyons précisément au verset 41. Je le lis. Il dit « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse ». Précisément comme le titre l'a dit, David, qui est le psalmiste qui a rédigé ce psaume 119, il implore la miséricorde de Dieu, il implore la compassion de Dieu, il implore la grâce de Dieu sur sa vie. D'accord, okay. Donc nous voyons David qui est en train d'implorer la miséricorde de Dieu afin que son salut et sa promesse soient son partage. Okay. Nous allons passer à la deuxième phase du verset 42 au verset 43. Le verset 42 au verset 43, il est dit que le psalmiste se confie en la parole de l'Éternel. Du verset 42 au verset 43, alors je pourrai répondre à celui qui m'insulte, car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche. Nous le voyons clairement là dans ces versets. Que David se confie à la parole de l'Éternel. D'accord, nous allons passer à la dernière phase de notre découpage, versets 44 à 48 avec Martial. Oui, verset 44 au verset 48, qui a pour titre « Le désir du psalmiste est de pratiquer les ordonnances du Seigneur ». Nous voyons au verset 44, il dit « Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité ». Ensuite, il dit « Je marcherai au large et je cherche tes ordonnances ». Il dit encore « Je parlerai de tes préceptes ». 47, il dit « Je fais mes délices à tes commandements ». Donc, ça vous dit quoi? Il soupire après cela. Il veut pratiquer les ordonnances du Seigneur. En un mot, il veut mener une vie selon la gloire de Dieu. Donc, le désir de David est de marcher selon la parole de Dieu. Passons donc à l'interprétation de notre texte avec les exemples à suivre et à ne pas suivre s'il en a. Passons d'abord aux exemples à suivre avec bienvenue. Concernant les exemples à suivre, il y a beaucoup de versets qui rentrent en exergue. Précisément, commençant par le verset 44, il dit « Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité ». Voilà, David prend l'engagement de garder la loi de Dieu pour toujours et pour l'éternité. Il dit « Je marcherai au large car je recherche tes ordonnances ». David prend l'engagement de chercher, de marcher selon la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Donc comme David. Comme David, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous devons vraiment garder la parole de Dieu. Et Jésus dit que c'est celui qui garde ma parole qui est mon ami. Amen. D'accord, oui, Martial. Oui, c'est un autre exemple. Un autre exemple, c'est au verset 48. Il dit, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Voilà, en tout cas, c'est le mot-là qui m'a beaucoup marqué. Il dit que j'aime. En un mot, il pratique le commandement de Dieu et puis il aime aussi le commandement de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire aussi sur, on va dire, cet exemple-là de David qui aime la parole de Dieu? Quand on aime la parole de Dieu, on la vit au travers de notre comportement, voilà, de notre manière de se comporter dans la société et même au sein de l'Église. En un mot, quand on aime la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui découlent. La vie de sainteté, la vie de consécration, la vie en harmonie et aussi le respect de la hiérarchie. En un mot, on cherche la paix dans le lieu où nous sommes. D'accord. Oui, Roselyne, un autre exemple. Un autre exemple ici, nous le voyons dans le verset 46. Il dit, je parlerai de tes instructions devant des rois. Voilà, ici, David ne se contente pas seulement d'aimer la parole de Dieu, ne se contente pas seulement de la pratiquer, mais de la proclamer. Il dit, au roi, le roi ici, symbolise les autorités. Voilà. Donc, c'est un exemple à suivre. Il dit, je parlerai. Voilà. Donc, ça nous révèle clairement qu'il ne faut pas seulement aimer, pratiquer et puis ne pas partager. Quand on aime, quand on pratique, il faut la partager. Et ce qui est bon, on la partage. Voilà. Donc, comme David, nous aussi, nous devons partager la parole de Dieu avec nos responsables, avec nos parents et aussi avec nos amis. Un autre exemple à suivre. Il y a tellement d'exemples à suivre dans ces versets-là. Oui, Roselyne. Dans le verset 47, il dit, j'ai fait mes délices, tes commandements. Je les aime. Il dit, j'ai fait mes délices, tes commandements. Il n'a pas dit, j'ai fait mes délices, mes villas. Voilà. Il n'a pas dit, j'ai fait mes délices, tes promesses. Mais il dit, tes commandements. Et les commandements, c'est quoi? C'est la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà. Il ne se contentait pas seulement de connaître le Seigneur, mais de mettre sa parole en pratique. Et David ne le fait pas fortuit, parce que David a une expérience avec le Seigneur. Il sait d'où il est parti jusqu'à ce qu'il arrive là où il en était. La Bible nous le dit, quand il parle de l'histoire de David, il était un berger. Et du berger, il s'est retrouvé à la place du roi. Il était le roi du peuple d'Israël. Donc, David ne soupire pas, ne désire pas, en tout cas, à mettre la parole de Dieu en pratique en vain. Il le dit parce qu'il sait quelle expérience il a fait avec le Seigneur. Et pour lui, en mettant la parole de Dieu en pratique, il y a beaucoup de bénédictions qui en découlent. D'accord, voilà. Oui, on va aller avec bienvenue. En tout cas, c'est au même verset, hein. Je fais mes délices de tes commandements. C'est-à-dire que c'était précieux pour David de mettre la parole de Dieu au premier plan. Pour David, c'était primordial. C'était la priorité de mettre le commandement de Dieu au devant de tous ses projets, au devant de tout ce qu'il devait faire. Donc c'était un délice, c'était important pour lui, c'était précieux. Donc c'est ce que je voulais relever. D'accord. Okay. Ok, nous allons passer aux exemples à ne pas suivre. Est-ce qu'il y a des exemples à ne pas suivre? Non, il n'y a pas d'exemple à ne pas suivre. Nous allons donc passer aux vérités. Quelles sont les vérités qui nous sont révélées? Nous partons avec oui, bienvenue. Bon, la première vérité, nous le voyons au verset 41. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. Je lis. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Donc ici, ce que je m'aurais dit, point d'auditeur qui est à l'écoute, notre Dieu est miséricorde. Il a compassion. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais laisse-moi te dire que la seule personne qui a compassion de l'homme, c'est notre Dieu. Et quel que soit ce que tu as fait, qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est désagréable, laisse-moi te dire que notre Dieu est capable de te pardonner. Il a compassion. Et c'est lui seul. L'homme est méchant. Mais le Dieu que nous adorons, l'être suprême qui a créé les cieux et la terre, il a fait l'homme à son image. Donc, il a compassion de nous, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit toutes les actions que nous posons. C'est lui seul qui peut avoir compassion de nous. D'accord, oui. Roselyne. Nous voyons une autre vérité dans le verset 42. Alors, je pourrais répondre à celui qui m'insulte. Car je me confie en ta parole. Il dit, je me confie en ta parole. Il ne dit pas ici, je me confie à mon père. Je me confie dans mes richesses. Je me confie dans ma connaissance. Je me confie, en tout cas, dans ma gloire. Mais il dit, je me confie en ta parole. La Bible nous le dit clairement que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confondu. Mon ami, ma soeur, mon frère, je ne sais pas en qui tu te confies. Et ce matin, en travers de quelques versets bibliques, je voulais vraiment t'encourager. Si depuis longtemps tu t'es confié en ta personne ou bien tu t'es confié à un responsable de l'église, je voulais vraiment attirer ton attention et t'encourager à ce que tu te confies en l'Éternel. Parce que se confier à l'Éternel, tu ne seras point confondu. Là où tu avais été confondu hier avec Dieu, tu ne seras point confondu. Pourquoi? Parce qu'il est le maître créateur de toutes choses. Il saura te conduire, te guider vers les eaux paisibles. Se confier aussi en un responsable de l'église aussi, ce n'est pas mauvais. Voilà, c'est une bonne chose, c'est quelque chose à encourager. Mais ce que je crois Roselyne voulait faire ressortir, c'est de se confier en la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous guide chaque jour, mais aussi se confier en nos responsables. Voilà. Oui, bienvenue. En tout cas, j'aimerais aborder dans le même sens du verset 42 à 48. Oui, voilà. Donner une autre vérité sur ce verset. Voilà, ici, David nous révèle l'importance de la parole de Dieu. Parce que quand tu prends ces versets, tout commence par je pourrais répondre à celui qui m'outrage. Quand il vient encore en bas, je marcherai au large, je parlerai de tes préceptes, je fais mes délits de tes commandements, je lève mes mains vers tes commandements. Ici, David veut nous montrer l'importance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu vas un peu devant, dans le même livre, psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est-il lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ?» Donc, je m'aurais dit que la parole de Dieu est autant importante pour nous, enfants de Dieu, même pour ceux même qui ne connaissent pas Jésus, s'ils veulent avoir un changement dans leur vie, une transformation dans leur vie, ils doivent se confier à la parole, ils doivent mettre leur confiance en la parole de Dieu qui est le salut pour ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Merci. D'accord. Donc, dans ce texte, il est révélé que la parole de Dieu doit être au centre de notre vie, car c'est dans la parole de Dieu que nous allons découvrir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire face aux différentes situations qui se présentent à nous. Nous allons passer à la phase de l'application. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette méditation? Nous partons d'abord avec Martial, ensuite Roselyne pourra intervenir. Ce que je retiens de cette méditation est que nous devons nous confier en la parole de Dieu. Nous voyons cela au verset 42. Ensuite, pratiquer la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu et enfin proclamer la parole de Dieu. Ben, il ne suffit pas d'aimer, mais il faut pratiquer. Et en pratiquant aussi là, on fait quoi? On annonce aussi l'évangile, on proclame aussi les bienfaits de Dieu, pour que les autres aussi qui ne connaissent pas Dieu aussi puissent faire cette expérience avec le Seigneur. En un mot, pour ne pas être égoïste, voilà. Il faudrait que tu puisses partager, proclamer, afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre davantage. D'accord, merci. Oui. Ici, ce que je retiens dans cette méditation, c'est que la vie chrétienne existe aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Et qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Tout part de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous le voyons dans le livre de Deutéronome 28, il dit « Si tu obéis, voilà les bénédictions qui en coulent. » Et je crois bien que, comme le frère vient de le dire, c'est bon de connaître le Seigneur, c'est bon d'aller à l'église, c'est bon d'avoir la parole, mais c'est mieux de la pratiquer. À l'instar de David, comme il est en train de nous le révéler ici, il soupire après cette parole, il soupire de la mettre en pratique. Et je voulais vraiment partager cela et inviter, encourager un frère en ce matin, oui, à l'instar de cette méditation, que si longtemps tu as passé tout ton temps à t'amuser, à jouer avec ta vie chrétienne, à jouer avec la parole de Dieu, je voulais vraiment t'encourager afin que tu quittes cette opposition et t'engager à prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que sans la parole, tu ne peux réussir quoi que ce soit. Et sans la parole, tu peux rater le ciel. Voilà, parce que c'est la parole qui est notre lumière, c'est la parole qui nous guide, c'est la parole qui nous éclaire. Et c'est notre boussole. C'est notre boussole. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à la prière avec bienvenue. Que le Seigneur nous aide à être comme David, à nous intéresser à sa parole et à la méditer. Il finit le verset 48 en disant « Et je veux méditer tes statuts ». Que le Seigneur nous aide à méditer sa parole, à être plongé dans sa parole jour et nuit afin de découvrir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi et surtout à mettre en pratique la parole de Dieu. Prions avec bienvenue. Tant de Père, nous voulons te dire merci. Tu as dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu dis aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons vivre dans ta parole. Nous voulons marcher selon les préceptes de ta parole, selon les ordonnances de ta parole, comme David l'a fait. Il soupit après ta parole et nous avons vu les résultats. Et ce matin, Seigneur, je prie pour quelqu'un ou pour une personne qui a les difficultés de mettre ta parole en pratique. Seigneur, touche son cœur, touche sa mentalité, afin que, ayant écouté ta parole, l'ayant, Seigneur, ou vu, Seigneur, nous puissions la mettre en pratique et vivre selon ce dont tu nous as dit dans ta parole. Et nous voulons mettre tes promesses en exergue, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, notre destinée. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce moment de méditation. Touche les cœurs, touche les mentalités, pour que la gloire et l'honneur te reviennent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à nos invités. Merci à Bienvenue. Merci à Roselyne. Merci à Martial. Merci d'avoir été avec nous durant tout ce mois de février. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons heureux de vous retrouver pour d'autres moments de méditation de la parole de Dieu. Mais pour le moment, nous vous souhaitons un bon retour à l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé, Temple La Référence, et aussi un bon retour au TC, puisque vous êtes tous membres du département témoins et conseillers. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette méditation. Nous retenons de cette méditation que nous devons nous approcher de la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, et aussi la mettre en pratique. Comme David, nous devons aussi l'annoncer à nos autorités, l'annoncer à nos parents, l'annoncer à nos amis. Vous trouverez le commentaire du psaume 119, versets 41 à 48 que nous avons médité à la page 68 de notre lecteur de la Bible pour les jeunes appelé le Rendez-vous avec Dieu 2020. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre moment de méditation de la parole de Dieu avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et que la faveur et la grâce de Dieu demeure sur vous. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.